Avant de poursuivre l'examen dans Perceval d'occurrence de Sergent et Escuyer, puisque nous avons bien établi la nuance de auxiliaire et serviteur, au moins dans l'épisode du Graal au vers 3330, nous allons faire une petite pause dans l'exposé pour nous livrer à un examen de l'histoire du mot dans la longue durée du latin jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous pouvons rattacher sans douleur ni artifice le mot sergent dont nous venons d'établir le sens à ses origines latines. Le mot provient en effet du latin serviens, je cite à l'accusatif singulier, de serviens, participe présent du verbe servire, servire, qui signifie servir, être serviteur de. L'évolution phonétique du groupe w plus je dans servienten donne le son je, si bien que dans la conscience du sujet parlant, aussi bien au Moyen Âge que maintenant, aucun rapport probablement n'est établi entre le mot sergent, aujourd'hui sergent, qui vient de la forme étymologique avec le son je, servienten, et servant, servante, qui est une forme de participe présent gérondif refaite sur le radical serve, serve, sans le son je. Vous savez peut-être que la langue a utilisé à des fins lexicales la variation morphologique qui lui était offerte et nous rapprocherons, sans nous y attarder, les couples vaillant, valant, veuillant, voulant, sachant, savant, puissant, pouvant, qui tous sont fondés sur une alternance radicale avec iode et radicale sans iode. Je poursuis en essayant de ne pas vous étouffer sous les considérations phonétiques. Reprenons donc. Le servientem, le sergent, c'est celui qui sert, le serviteur, le domestique, du moins étymologiquement. Selon la nature de celui qui est servi et aussi selon la nature du service rendu, il se développe depuis le Moyen Âge une gamme de sens correspondant à des emplois différents de ce serviteur. Nous allons du sens de serviteur de Dieu, sens très fréquent dans certains textes à orientation religieuse, comme par exemple dans la quête du Graal, mais sens qui paraît absent de Perceval, donc nous avons serviteur de Dieu. Puis nous avons entre autres serviteur, celui qui est l'auxiliaire d'un chevalier, sens bien représenté dans notre sexe, dans notre texte, pardon, et par l'intermédiaire de cette notion de serviteur d'un chevalier, nous passons au sens technique de sergent, qui désigne aujourd'hui un grade tout à fait spécifique dans l'armée. Je ne développerai pas davantage l'histoire des significations de ce mot. Vous êtes particulièrement bien équipé pour traiter ou pour réciter ce genre de choses. Ce petit excursus historique terminé, revenons à notre Perceval. Je vais maintenant examiner de plus près l'apparition du mot sergent dans son environnement linguistique pour essayer d'approfondir la différence avec escuyer. Ma première remarque, c'est que dans 5 épisodes, le mot escuyer apparaît au singulier et souvent de façon répétée, alors que le mot sergent apparaît au singulier 2 fois seulement dans l'ensemble du Perceval édité par Monsieur Lecoy. Et je reviendrai sur ces 2 attestations. L'escuyer est donc plus individualisé que le sergent, et cela, c'est la simple grammaire qui nous le montre. Ce qui le confirme, c'est que lorsque les mots escuyer ou sergent sont précédés d'un numéral, on trouve escuyer précédé du chiffre 7, une fois, suivi du chiffre 50, une fois, mais je pense qu'il y a une erreur et qu'il fallait lire chevalier, j'en ai parlé, et par ailleurs, le vers 1226 donc, est très litigieux, tandis que les sergents vont par 4 dans 2 épisodes différents ou par 1000. Ils sont donc moins individualisés. Si maintenant nous examinons la première des 2 attestations présentant le mot sergent au singulier. Elle se trouve dans un discours où un personnage parle d'un chevreuil, kuns miens sergents, otsis, huit mains d'une saillette, vers 1914. Je traduis. Un chevreuil qu'un sergent à moi tua aujourd'hui d'une flèche, ou qu'un serviteur à moi, ou bien que un de mes serviteurs a tué aujourd'hui ce matin d'une flèche. Le mot sergent au singulier désigne bien ici un individu, mais cet individu n'est pas autonome, comme le montre le possessif uns, miens, sergents. Et j'ai vérifié. Aucune des occurrences du mot escuyer, 19 en tout dans le Perceval de Monsieur Lecoy, n'est précédée de possessif ni dans des syntagmes marquant l'appartenance. Autre fait très facile à vérifier. Dans le Perceval édité par Monsieur Lecoy, on ne voit aucun personnage adresser la parole à un autre personnage désigné par le mot sergent, ni donc, à plus forte raison, utiliser le mot sergent comme terme d'adresse. Au contraire, les escuyers se font souvent adresser la parole. Il est vrai, souvent à la deuxième personne, mais pas toujours. Les sergents ne sont que des figurants muets. Les sergents sont de muets instruments. J'ajouterai qu'ils sont presque transparents, contrairement aux escuyers. Outre le jeu des qualifiants qui leur sont attachés, que nous examinerons tout à l'heure, j'en veux pour preuve ceci. Au plan grammatical, le mot sergent, dans notre édition, n'est jamais le complément d'un verbe signifiant voir, ni d'aucun verbe de perception. Il en va tout différemment du mot escuyer, comme vous pouvez facilement le vérifier. Reportez-vous au vers 5082 5506, 6742, et même à l'extraordinaire couplet dans une phrase négative impliquant le verbe 3373, les protagonistes focalisent leur regard sur les SQS. Et le biais lexical du verbe veuer, c'est-à-dire voir, les fait pénétrer dans notre champ de vision. Et, dans la mesure où nous nous identifions aux protagonistes, vous savez que le roman est une machine à identification, les SQS deviennent à leur tour des personnages à part entière. Examinons maintenant les épithètes qui s'attachent aux sescuyers, d'une part, et aux sergents, de l'autre. J'ai déjà mentionné les scènes où Chrétien fait d'un escuyer un grand escogriffe chauve, tchauf, dit le texte, et celle où il met en valeur un escuyer désavenant, c'est-à-dire déplaisant, qui les chevus, hot, merles et rus, vers 6742, qui avait les cheveux emmêlés et roux. Traduction. Épithète pittoresque, qui relève de l'esthétique et qui n'ont rien à faire avec un rôle d'auxiliaire. Les termes qui désignent les sergents sont tout différents. En voici l'ensemble. Pour le combat, ils sont dits « buens », « bons chevaliers » et « bons sergents » et « bons archers » vers 4112. Pardon, vers 4912. C'est l'efficacité qui est en jeu. Même chose pour les quatre sergents qui portent le roi pêcheur. Ils sont dits « délivre et forte » vers 3330. Si une épithète peut être considérée comme relevant du domaine de l'esthétique, « bien » à Tournetz, au vers 2430, l'examen du contexte montre que l'efficacité de l'équipement est la véritable chose qui est en jeu. Et voici. Nous avons Tsi, Tsing Tsams, Chevaliers, Tuts Armets et Mil Sergents, bien Aturnets. Enfin, deux notations relevant de l'effet visuel, mais avec un adjectif passe-partout, l'adjectif belle. D'une part, dans l'épisode de l'arrivée de Perceval à Beaurepaire. Ce bien est us as sergens, mut fus belle, mais il avouent meses eu. Tant qu'il estuent tel quand se poist merveillir de Dieu unir et de veillir. Vers 1743, ils auraient été très beaux, etc. En ce passage, Chrétien accumule les effets visuels montrant la dévastation de Beaurepaire. Je précise que tous les manuscrits, sauf un seul, ont l'adjectif « belle ». Donc, cet adjectif s'explique fort bien. D'autre part, on nous dit de « gornement » que « riches maisons, belles et grandes, hautes li prudom, et biaus ser Jones au vers 1554. Par parenthèse, ce gouvernement, il possédait, il hôte des maisons et des sergents. Mais à cet endroit, de fort nombreux manuscrits portent Bons Sergeants, non pas Piaus Sergeants, comme dans notre édition. Et rien n'empêche de croire que Biaus, dans notre copie, a été amené par le syntagme Maisons Belles du vers précédent. Vous le voyez? Là, toujours très simple, élémentaire et incontournable étude des collocations des mots nous ramène, encore une fois, à nous interroger sur ce que Chrétien a vraiment écrit en tel et tel endroit du texte et incidemment nous engage à la plus extrême prudence dans l'exercice parfois appelé explication de texte. Reste enfin une occurrence singulière à tous égards du mot sergeant. Elle se trouve au vers 7263. Gauvin interroge le notonnier qui l'a hébergé. Hostes, fait-il, s'il ne vous poise, demander vous veuille et enquête qui est sire de ceste terre et de ceste Chastel si alus. Et les hostes lui répondent lus. Sire, nel sait. Vous nel savez? C'est merveille. Que dites m'avez que del Chastel est sergents et s'en avez rente mout grands, ne savez qui en est sire? Je traduis. Donc, Gauvin demande à son hôte qui est le seigneur de cette terre. Maintenant, à partir du vers 7261, voici la traduction. Sire ne le sait. Seigneur, je ne le sais pas. Vous ne le savez pas? C'est étonnant, car vous m'avez dit que vous êtes le sergent, je ne traduis pas, du château. Et vous en obtenez des rentes très grandes. Et vous ne savez pas qui est le seigneur. Le mot sergent ici nous intrigue. Vous voyez que je ne l'ai pas traduit parce que j'hésite bien sûr à le rendre automatiquement par serviteur vu que le personnage ici a un statut très différent des autres sergents du texte. Il est parfaitement individualisé, il invite Gauvin chez lui, et d'ailleurs Gauvin l'appelle mon hôte, hostes, et par ailleurs on aperçoit qu'il a de grosses rentes. Essayons donc d'y voir un peu plus clair. Le mot sergents a la fonction grammaticale d'attribut du sujet, qui ne se retrouve nulle part dans le reste du texte. C'est l'analyse linguistique. En outre, donc, on soupçonne, n'est-ce pas, un sergent peu ordinaire. Résultat, pour cette occurrence, les commentateurs ou les traducteurs ont été embarrassés. En effet, pour ma part aussi, j'ai beau remonter jusqu'à la première apparition de ce personnage, je ne lui vois aucune autre activité que celle de passeur des eaux. Et il n'y a absolument aucun endroit dans le roman qui puisse nous expliciter en quoi il peut être considéré comme le sergent del Chastel. Mais vous voyez que nous sommes ici dans la fin de Perceval, en fait dans la deuxième partie de Perceval, et cette partie fourmille de déplacements, d'actions ou de paroles qui lui donnent une tonalité très extraordinaire, comme celle d'un cauchemar où l'on ne sait pas exactement les rôles des personnages. Si bien que, en fait, pour ce passage, le dictionnaire de Tobler-Lomatch a inventé une signification particulière au mot sergent. Dans son dictionnaire, il a passé ce passage à l'article sergent et l'a traduit par un mot qui signifie régisseur d'un domaine. Donc le dictionnaire de Tobler-Lomatch ici, placé devant un fait difficile, a purement et simplement inventé une traduction ad hoc, régisseur d'un domaine, que moi je ne connais pas ailleurs pour le mot sergent. Quant à l'édition de la Pléiade de Chrétien III, elle a banalement traduit « homme d'armes », ce qui ne me paraît en l'occurrence nullement justifié. Enfin, les glossaires, je l'ai dit tout à l'heure, de l'édition Rauch et de l'édition Passby de Perceval traduisent froidement, mais sans plus justifier non plus, « serviteur domestique ». Donc, nous voici. En arrivant au terme de l'étude du mot sergent, a chopé sur un petit mystère. Le terme de cette étude va nous ramener aussi à des problèmes d'édition. Si nous examinons l'édition de M. Passby de Perceval, nous constatons que en ce qui concerne l'entourage du vers 7263 où apparaît notre mot sergent, Passby a ponctué différemment de Monsieur Lequoi. En effet, il ne met pas de virgule après le mot correspondant à merveille. Ce qui donne dans son édition, vous ne savez, c'est merveilleux que dit Avitz, que Del Chastel est sergent. Vous ne le savez pas? Vous avez dit une chose étonnante, car vous êtes le sergent, pour ma part je ne risquerai pas à traduire, du château. Vous voyez, dans l'édition de Monsieur Lequoi, nous avons c'est merveilleux. Que dit Mavetz que Del Chastel est sergent? C'est étonnant, car vous m'avez dit que vous êtes le sergent du château. Mais dans l'édition de M. Passby, nous avons c'est merveilleux que dit Avitz. Vous avez dit une chose étonnante, car vous êtes le sergent du château. Dans l'édition de M. Lequoi, on impute à Lostos lui-même, au notonnier, le fait qu'il aurait dit personnellement qu'il était le sergent du château. Or, ceci ne se retrouve nulle part dans le roman de Perceval édité par M. Lequoi. Dans l'édition de M. Passby, hein, c'est merveilleux que dit Avitz, vous avez dit une chose étonnante, que Del Chastel est sergent, car vous êtes le sergent du château. C'est Gauvin lui-même qui fournit cette information et qui peut-être s'imagine que Lost est le sergent du château. Maintenant, comment Gauvin sait-il que la personne en question retire des rentes mutgrand, donc des grands revenus de cette fonction? Mystère absolu. Donc l'étude du mot sergent nous amène à nous interroger sur la façon dont les éditeurs traitent parfois un peu cavalièrement leurs textes, ici en nous imposant des traductions toutes faites, au moins trois, sans nous expliquer le cheminement qui conduit à ces traductions. Et d'autre part, cette étude nous amène, voyez-vous, à nous interroger sur la position d'une virgule dans les différentes éditions, mais j'en profite pour vous signaler que la ponctuation des éditions que vous avez sous les yeux, ici probablement de l'édition de Chrétien 3 par Monsieur Lecoy que vous avez sous les yeux est de la responsabilité de l'éditeur. Vous voyez que l'étude attentive, sérieuse et, je le répète, tout à fait simple de mots, en effet, qu'avons-nous fait sinon replacer les mots dans leur contexte pour tenter de comprendre ce qu'ils signifiaient. Donc, nous voyons que cette étude tout à fait élémentaire nous amène en fait au cœur de ce qui est notre discipline, c'est-à-dire en fait l'édition des textes, la façon dont les textes nous parviennent à partir des manuscrits et peut-être leur fiabilité. Je vous remercie. Je ne tenterai pas cette année d'autres enregistrements pour étudier des mots. Je pense que vous avez maintenant assez de matière pour comprendre la méthode et tous les mots que je vous demanderai d'étudier dans Perceval seront accompagnés de relevés exhaustifs qui vous permettront sans trop d'embarras, sinon sans trop de travail, de répondre. Je vous remercie.